السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, son aide, son assistance et sa miséricorde envers nous, nous arrivons à un événement des plus historiques de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ceux qui ont suivi du début, ils ont vu les nombreuses épreuves qu'il a subies, et cela depuis le début de la révélation. Puis les nuisances atteint le summum du supportable pour ses compagnons vers l'an 4, l'an 5 de l'Hégire. Ils ont donc fait la première petite Hégire à Al-Habasha, une première fois puis une seconde fois. La grande Hégire a eu lieu 3 ans après Al-Isra wa Al-Mi'raj. Ils se sont donc réunis à Al-Madin, à la ville du prophète alayhi salat wa salam. Plus tard, il y a eu la bataille de Badr, la bataille de Uhud, la bataille de Al-Ahzab, de Bani Qurayza et d'autres encore. Jusqu'à arriver à l'année de Sulh al-Hudaybiyah. Na'am. Donc le pacte qui a eu lieu entre Quraysh et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ceux qui avaient été mentionnés dans le traité, le fait de ne pas se combattre mutuellement et de ne pas combattre ceux qui sont dépendants de Quraysh, ni ceux qui sont dépendants des musulmans du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais chaque tribu avait le choix d'entrer sous la tutelle choisie, celle de Quraysh ou celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Khuza'a, la tribu de Khuza'a a choisi d'entrer sous la tutelle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que soient les croyants parmi eux ou non. Quant à Banu Bakr, ils ont choisi la tutelle de Quraysh. Ils ont choisi la tutelle de Quraysh. Et une nuit, Khuza'a a trahi le pacte et a attaqué Bani Bakr. Une nuit, ou plutôt Bani Bakr a trahi le pacte. Bani Bakr a trahi le pacte et a attaqué la tribu de Khuza'a. Naam. Quraysh, voyant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Al-Madina, ils se sont dit: Mohammed est loin et il n'aura pas connaissance de cette trahison. Alors ils ont aidé cette tribu en leur fournissant des armes et le nécessaire pour attaquer la tribu de Khuza'a. Mais un responsable de la tribu de Khuza'a s'est rendu à Médine. Il s'est rendu à Médine pour rechercher l'aide auprès des croyants, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a prononcé certains vers de poésie pour informer le prophète alayhi salat wa sallam. Quand est-ce que cela a eu lieu? Ça a eu lieu 1 an et demi environ après Sulh al-Hudaybiyah. 1 an et demi environ après Sulh al-Hudaybiyah. Nous sommes donc en l'an 8 durant le mois de Ramadan. Nous sommes donc en l'an 8 après l'égir durant le mois de Ramadan. Donc voici la cause de la conquête de la Mecque. C'est que le pacte, le traité a été rompu suite à une trahison de Quraysh. Suite à une trahison de Quraysh en fournissant des armes à Bani Bakr pour attaquer ceux qui étaient sous la tutelle des musulmans, donc la tribu de Khuza'a. Un homme est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se prénomme Amr ibn Salim. Il se prénomme Amr ibn Salim al-Khuza'i. Ce dernier est venu à Médine et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien devant le prophète alayhi salatu wa sallam, il a prononcé ces quelques vers de poésie pour lui demander aide et assistance. Et vous savez tous que al-isti'ana, la demande d'aide, est une adoration que l'on voue à Allah subhanahu wa ta'ala en ayant comme ferme conviction qu'il est ala kulli shay'in qadir, parfaitement omnipotent, avec humilité, humiliation. Néanmoins, c'est permis de demander l'aide à une créature sous condition, c'est qu'elle soit vivante, présente, et que cette demande entre dans les corps du fils de Adam en général. Donc, le prophète alayhi salatu wa salam étant présent devant lui, et la demande étant réalisable, na'am, le prophète alayhi salam est vivant, présent, et la demande entre dans la capacité du fils de Adam. C'est donc une demande permise en islam. Il a dit, ya Rabbi, inni nashidun Muhammada, halifa abina wa abihi al-atlada. قد كنتم ولدا وكنا والدا ثمة أسلم فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أيدا وادعوا عباد الله يأتوا محددا أو يأتوا مددا فيهم رسول الله فيهم رسول الله وقد تجردا إلى آخره. Il a donc invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et a mentionné qu'il est venu s'adresser à Muhammad pour lui demander l'aide et l'assistance. Puis, lorsqu'il dit « قَدْ كُنْتُمْ وَلَدًا وَكُنَّ وَالِدًا » il fait référence à la tribu de Abd Manaf et de Khuza'a et de leur lien de parenté. Puis il mentionne leur islam. Ils sont entrés en islam. Ils demandent donc le secours. Ils invoquent Allah Azza wa Jal en leur faveur. Et il mentionne la cause en disant Inna Quraishan akhlafu al-maw'ida wa naqadhu mithaqaka al-mu'akkada. Certes, Quraish n'a pas respecté le pacte. Certes, Quraish n'a pas respecté le pacte et l'engagement. Et il a même mentionné ce qui leur est arrivé. Hum bayyatuna bil watiri hajjada wa qataluna rukka'an wa sujjada. Naam. Ils ont aussi, donc le prophète alayhi salatu wa salam a répondu à sa demande en disant Nusirta ya Amr ibn Salim. Tu as reçu notre secours, ô Amr ibn Salim. Le prophète alayhi salatu wa salam a ordonné aux compagnons de se préparer, de lever l'armée. Et ce fut la plus grande armée connue du prophète alayhi salatu wa salam. Avant cela, on avait mentionné que Razwatu Mu'ta, ils étaient 3000, n'est-ce pas? Et que c'était le plus grand nombre atteint. Ici, ils allaient être 10 000. Ils allaient être 10 000 soldats avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il fut dit que Abu Sufyan, avant ça, le prophète alayhi salatu wassalam a fait dua pour que Quraysh n'ait aucune information sur leur massir, sur leur sortie vers eux, afin de les surprendre. Et Allah Azza wa Jal a répondu à cet appel du prophète alayhi salatu wassalam, à un point tel que Quraysh n'a eu aucune information, si ce n'est après la venue et l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam près de leur terre. Abu Sufyan a su qu'ils avaient commis une grave erreur. même si lui n'avait pas participé directement à cela, il savait que le prophète alayhi salatu wassalam allait se mettre en colère suite à la trahison et la rupture du pacte. Alors il a demandé, il fut dit qu'il est venu à Al-Madinah et qu'il a demandé à certains compagnons d'intercéder en sa faveur auprès du prophète alayhi salatu wassalam pour reconduire à nouveau le traité de non-agression et le pacte qu'il y a eu à Al-Hudaybiyah. Mais personne n'a accepté de faire cela pour Abu Sufyan. En chemin, il a rencontré Budayl ibn Warqah et un groupe de Khuza'a. Mais ils n'ont pas voulu lui dire ce qu'ils sont partis faire à Al-Madinah, c'est-à-dire chercher l'aide du prophète alayhi salatu wassalam, et que ces derniers allaient lever une grande armée pour attaquer Quraysh. Alors Abu Sufyan est venu et a parlé à sa fille Ummu Habiba. Qui est Ummu Habiba? C'est une des épouses du prophète alayhi salatu wassalam. C'est la fille de Abu Sufyan. Il est entré chez elle et lorsqu'il a voulu s'avancer pour prendre place à un endroit, elle a retiré le firash, elle l'a plié. Alors il lui a dit: « Oh ma fille, je ne sais pas quoi penser de ton action. Est-ce que cette place n'est pas assez noble pour moi, ou bien c'est cette place qui est trop noble pour moi ?» Elle lui a dit: « C'est la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors j'ai détesté que tu prennes place à sa place. » Elle s'adresse à qui? À Abu Sufyan. Qui est Abu Sufyan pour elle? C'est son père. Mais au-dessus de ce lien-là, il y a le lien de la fraternité en islam, et particulièrement la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, elle lui a clairement dit cela, et elle a ajouté: « Wa inna kamru'un mushrik ». Elle lui a dit: « Tu es un polythéiste, wa najis ». Na'am. Hakada radiallahu anha. Puis il est sorti et a dit: il t'est certes arrivé, ô ma fille, un mal après nous. Yani tu as changé. Laqad asabaki ya bunayyati ba'dana sharra. Donc elle a dit non. Walakin Allah hadani ila l'islam. Mais c'est plutôt Allah qui m'a guidé à l'islam. Puis elle lui a dit: oh, toi, mon père, malgré ton haut rang, Abu Sufyan, c'est un des chefs de Quraysh, comment se fait-il que tu n'es pas encore entré en islam et tu restes dans l'adoration des pierres qui n'entendent pas? Alors il est sorti, il est parti voir Abu Bakr et a demandé à Abu Bakr d'intercéder en sa faveur chez le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète, Abu Bakr a refusé. Puis il est parti demander à Omar et Omar a refusé, et ce fut le plus sévère envers Abu Sufyan. Ce fut le plus sévère envers Abu Sufyan. Puis il est parti voir Fatima, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, et cette dernière également a refusé. Au final, il a demandé à Ali. Et Ali lui a donné quelques recommandations. Il fut le plus le plus calme envers lui. Ala kulli hal, des gens de science ont dit que ce texte n'était pas authentique. Il est donc reparti à Mecca, bredouille. Le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné aux compagnons donc de se préparer, mais il ne les a pas informés de la direction qu'il allait suivre afin qu'aucune information ne parvienne à Quraysh avant son arrivée sur place. Et il a donc, comme on l'a mentionné, invoqué Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il n'ait aucune information. Le prophète alayhi salatu wassalam a appelé différentes tribus qui étaient autour de Al-Madinah. Il les a appelés à se joindre à lui pour aller conquérir la Mecque. Quant au nombre, comme nous l'avons dit, ils étaient 10 000. C'est alors qu'il y a eu un événement qui est que Hatib, un compagnon qui s'appelle Hatib ibn Abi Balta'a, ce dernier, qui est un noble compagnon, Wahwa Badri, C'est un compagnon de la bataille de Badr. Donc ceux qui avaient ce titre honorifique, il a écrit une lettre et il l'a donnée à une femme pour qu'elle transmette cet écrit aux gens de Quraysh. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, le savant de toutes choses, informa le prophète alayhi salatu wa salam de cela. Il a informé que Hatib ibn Abi Balta'a a envoyé une femme à Mecca avec une lettre pour qu'elle transmette cette lettre aux gens de Quraysh. Hatib est un noble compagnon. Il a assisté à la bataille de Badr. Il était là à l'Hudaybiyah. Il a donc reçu les bonnes nouvelles du prophète alayhi salatu wa salam. Si ce n'est que l'homme n'est pas infaillible et que le compagnon, quel que soit son rang, est sujet à l'erreur, si ce n'est que devant la mer de bonnes actions qu'ils ont et leur secours de l'islam et du prophète alayhi salatu wa salam, Allah azza wa jalla leur pardonne cela, et dans la plupart des cas ils reviennent à Allah et se repentent. Quoi qu'il en soit, ce sont les meilleurs de l'humanité après les prophètes et les messagers. On ne les mentionne qu'en bien. Donc Hatib ibn Abi Balta'a radiallahu anhu a envoyé une lettre. Et dans cette lettre, qu'est-ce qui a poussé Hatib à agir ainsi? Il faut savoir que Hatib n'était pas un noble de Mecca de base, de souche. Donc il n'avait personne sur place lors de la conquête de Mecca qui allait protéger sa famille et ses biens. Alors il a voulu faire cela pour que Quraysh lui soit reconnaissant. Et dans le Bukhari, Ali ibn Abi Talib nous raconte cela. Il dit que le prophète alayhi salatu wassalam l'a envoyé, donc Ali ibn Abi Talib, avec Al-Miqdad, et avec Az-Zubayr. Le prophète alayhi salatu wassalam les a envoyés tous les trois, en tant que cavaliers, donc sur leur monture, pour rattraper cette femme dans un endroit précis qu'il leur a mentionné. Et il leur a dit donc à Ali, Az-Zubayr et Al-Miqdad, il y a dans cet endroit qui se nomme Rawdat Khar une femme, et elle a un écrit de la part de Hatib aux gens de Quraysh, rattrapez-la et ramenez-moi cet écrit. Donc ils ont rattrapé cette femme à cet endroit, ils l'ont trouvée et ils lui ont dit Hatil Kitab, donne-nous la lettre. Elle a dit Mama'iya Kitab, elle a dit je n'ai pas d'écrit, je n'ai pas de lettre. Ils lui ont dit sors-nous la lettre. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit la vérité. Ils l'ont arrêté, ils ont fait descendre sa monture et ils ont fouillé dans ses affaires et ils n'ont pas trouvé de lettre. Par la suite, ils l'ont menacé pour lui faire peur, ils lui ont dit soit tu sors cet écrit, soit on te fouillera au corps. Et on va regarder dans tes vêtements. Alors, elle a dit Alastum bi muslimi. Regardez, subhanallah, comment étaient connus les musulmans. Alastum bi muslimi, c'est-à-dire que vous, les musulmans, vous considérez la femme. Et vous avez de la jalousie pour la femme. Et vous n'approchez pas les femmes. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que le musulman, au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, était connu pour cela, pour cette considération envers la femme et le respect envers la femme. Contrairement à ceux qui ne sont pas musulmans, ils sont connus pour ne pas considérer la femme et l'utiliser, et la vendre à vil prix. Alors ils ont répondu, bala, certes nous sommes musulmans, mais tu as cet écrit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la vérité. Ils avaient la certitude que le prophète alayhi salatu wassalam ne disait que la vérité. Au final, elle a sorti cet écrit, il était dans ses affaires ou bien dans ses cheveux. Ou bien dans ses cheveux, comme ça a été mentionné. Donc ce hadith dans le Bukhari. Puis ils sont revenus, ils ont remis ce livre ou cet écrit au prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il y avait dans cet écrit? Il y avait que c'était un écrit de la part de Hatib ibn Abi Balta'a aux gens de Quraysh. Et il informait de certaines choses concernant le prophète alayhi salatu wassalam probablement de sa venue à Mecca. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a convoqué Hatib. Et de par l'étude de la sirah, vous remarquez que ça, c'était une sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est que lorsqu'un compagnon était connu pour le bien, et qu'il lui parvenait à son égard une chose, il ne s'empressait pas de faire descendre le jugement sur lui, ou de penser du mal de lui, mais il le convoquait. Il le convoquait et lui disait, « Ya Hatib, ma hamalaka ala had ?»« Oh Hatib, qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi ?» Il détaillait, il voulait comprendre. Omar ibn al-Khattab était aux côtés du prophète alayhi salat wa salam et lui a dit, « Ya Rasulallah, da'ni adrib unuqa hadha al-munafiq. » Au message d'Allah, laisse-moi taper au cou cet hypocrite. Le prophète alayhi salat wa salam a dit à Omar de se calmer, de patienter, de laisser la parole à Hatib. Radiallahu an. Hatib, premièrement, il a reconnu que cet écrit émanait de lui. Et sahaba, il ne mentait pas, radiallahu anhu. Il ne mentait pas. Ils ne sont pas des anges, ils sont sujets à la faute, mais il ne leur a pas été rapporté, il n'a pas été rapporté d'eux le mensonge. Na'am, radiallahu anhu. Ils étaient véridiques, ils étaient tous véridiques. Radiallahu anhu. Alors il a reconnu que cet écrit émanait de lui. Et il a dit à Rasulallah, ô messager d'Allah, la ta'jal alayhi. Ne te précipite pas concernant mon affaire. Inni kuntum ra'an mus'amada. Yani, il lui a dit que j'étais une personne rattachée à Quraysh et que je n'étais pas d'eux à la base. Kuntu halifan li Quraysh. Na'am, j'étais rattaché à Quraysh et je ne proviens pas d'eux à la base. Alors j'ai voulu qu'avec cette action, ils me reconnaissent une faveur. Na'am. Alors que toi, tes compagnons, parmi les muhajiri, ils ont leur bien là-bas, ils ont leurs proches, ils ont une place. Alors j'ai voulu qu'avec cette action, ils me reconnaissent, yani soient reconnaissants envers moi. Et pour qu'ils préservent mes biens et mes proches. Pour qu'ils préservent mes biens et mes proches. Donc voici la cause. Voici la cause. Puis il a dit au messager d'Allah, je n'ai pas fait cela par aversion vers l'islam, ni pour sortir de ma religion, c'est-à-dire qu'il ne les a pas aidés contre le din. Ça n'est pas un secours et une alliance du din contre son din, mais c'est purement à caractère mondain, c'est purement pour être dunya. Et de comprendre ça, c'est très important. Parce que le wala, il se divise en deux. Il y a le tawalli et il y a l'autre. C'est-à-dire qu'il y a ce qui fait sortir de l'islam et il y a ce qui est un péché et ne fait pas sortir de l'islam. Celui qui secourt contre l'islam et les musulmans, ou bien qui aime voir qu'autres prennent le dessus sur les musulmans, ça, c'est minna waqid de l'islam. Ça fait partie des annulatifs de l'islam, wal'iyadu billah. Le fait de s'allier avec des gens contre al-muslimin, contre l'islam, et d'aimer voir la suprématie autre que celle de l'islam, et de voir l'islam vaincu et battu, sans aucun doute que cela fait partie des annulatifs de l'islam, iyadan billah. Et Hatib ibn Abi Balta'a est éloigné de cela, bihamdillahi azza wa jal, comme c'est le cas de tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc dit « وَلَمْ أَفْعَلِ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِ وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ » Je n'ai donc pas fait cela pour sortir de ma religion, ni par agrément d'une autre religion. Donc pourquoi pour la dunya ? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقْ » Quant à celui, il a dit la vérité. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'il était véridique. Puis il a dit aux compagnons, la taqulu lahu illa khayra. Ne lui dites que du bien. Que personne ne lui dise de mauvaises paroles. Omar al-Khattab a dit, ya Rasulallah, ô messager d'Allah, da'ni adrib 'unuqah. Laisse-moi le taper à la gorge. C'est un hypocrite. Le prophète alayhi salat wa salam a dit, da'hu ya Omar. Laisse-le, ô Omar. فَإِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا. Il a certes assisté à la bataille de Badr. وما يدريك يا عمر et qui te dit ô Omar لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم et qui te dit ô Omar qu'Allah n'a pas regardé les gens de la bataille de Badr et ne leur a pas dit faites ce que vous voulez je vous ai pardonné. Naam, et c'est connu que les gens de la bataille de Badr Allah azza wa jal leur a effacé leurs péchés et dans ça il y a une affirmation que ces gens-là vont mourir sur l'islam parce que celui qui commet un acte qui fait sortir de l'islam, les bonnes actions n'effacent pas ce péché. Rien n'efface le shirk si ce n'est le repentir. Et rien n'efface le kufr si ce n'est le repentir. Naam. Donc, Hatib faisant partie des gens de la bataille de Badr, il avait une hasana azima et ce péché qui est en dessous du kufr, Allah Azza wa Jal l'efface. Allah Azza wa Jal l'efface. Hakada barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala donc révélé « Ya yuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquuna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq » Allah azza wa jalla a révélé « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et le vôtre en tant qu'allié. » Ici, remarquez qu'on a dit « Ya yuhalladhina amanu » Allah les a appelés par l'appellation de quoi ? De la foi. Ça veut dire que cette action n'est pas quoi ? N'est pas du kufr. Et n'est pas du shirk akbar. Car Allah Azza wa Jal les a appelés « Ô vous qui avez cru ». Donc ils ont l'iman, la foi est maintenue. Car le grand péché ne fait pas sortir de l'islam tant qu'il n'atteint pas la mécréance majeure ou le shirk majeur. Ça c'est la croyance de Ahlul Sunnati wal Jama'a. Contrairement à Ahlul Bid'a min al Khawarij wa Ghayrihim min al Mu'tazila. Les Mu'tazila disent que celui qui fait un grand péché, il sort de l'islam sans entrer dans le kufr. Ils disent wa fi manzilatin bayna manzilatayn. Quant aux Khawarij, eux disent fa huwa qad kharaja min al-islam wa dakhala fi al-kufr wa in mata ala dhalik yukhallad fi an-nar. Les Khawarij disent celui qui fait un grand péché, il sort de l'islam. Et s'il meurt comme ça, il rentre en enfer éternellement. Alors que nous sommes sur la voie du juste milieu. Nous disons que celui qui fait des péchés en dessous de la mécréance majeure et du polythéisme majeur, c'est quand même un musulman. Il sort de l'appellation parfaite par la foi, mais il reste un musulman. Naam, c'est un pervers de par son grand péché, mais il reste musulman de par sa foi. Naam, c'est un mu'min naqisul iman. C'est un croyant qui a une foi qui affaiblit, qui est faible. Naam, ou bien ils disent mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabirati. C'est un croyant de par sa foi, mais c'est un pervers de par son grand péché. Voici le juste milieu. Ensuite, s'il décède sans se repentir, les gens de la sunna, en conformité avec le Coran et la sunna, disent qu'il est sous la volonté d'Allah. Wa tahta mashi'atillah. Insha'a ghafara lah. Si Allah veut, lui pardonne directement. Il le met au paradis. Wa insha'a adhabahu. Naam, s'il veut, le châtier en enfer un temps déterminé. Puis il le fait sortir et il le met au paradis. Subhanahu wa ta'ala. À la kulli hal, Hatib radiallahu anhu, voici une histoire. Il convient donc de connaître la différence entre l'alliance qui est faite pour la religion, naam, qui est faite en souhaitant que le reste prenne le dessus sur l'islam. Ça, c'est de la mécréance majeure et ça fait sortir du din. Naam. Quant à l'alliance qui est faite pour la dunya, c'est un péché. Naam, l'alliance qui est faite pour la dunya contre les musulmans, mais pas pour le din, ça c'est un grand péché. Wal'iyadu billah. Naam, ça n'est donc pas toute alliance qui entre dans al-kufr al-akbar. Quant à celui qui aime le shirk et qui secourt le shirk et qui souhaite qu'il soit au-dessus de l'islam, ça, il ne fait aucun doute que ça, c'est du kufr akbar et du shirk akbar. Enfin, ceci étant dit, une dernière faïda sur ce sujet, puis on avance, inshallah. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, nous dit, « Fahadi sayyiatul azima » ce grand péché, c'est-à-dire commis par Hatib, radiyallahu an, « Ghafarahallahu lahu bishoudi badr » Allah lui a pardonné du fait qu'il a assisté à la bataille de Badr. فدل على ان الحسنه العظيمه يغفر الله بها السيئه العظيمه. Ceci prouve qu'avec de grandes actions, Allah peut effacer de grands péchés. Avec de grandes actions, assiste à Badr, Allah peut effacer de grands péchés, c'est-à-dire informer des plans du prophète alayhi salatu wassalam, l'ennemi qui se trouvait à Quraysh, Umadha, à Mecca. Quant au temps de la sortie du prophète alayhi salatu wassalam, dans lequel al-Bukhari, on n'a pas le jour exact, mais Az-Zuhri nous dit, comme c'est venu dans Sahih Muslim, que c'est 13 jours après le début du mois de Ramadan. 13 nuits après le début du mois de Ramadan. Ça, c'est la parole de l'imam Zuhri, rahimahullah. Dans le recueil de l'imam Ahmed, on a pareillement ces informations. Et on a d'autres paroles. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'il est sorti après 10 jours. Il est sorti après 10 jours passés du mois de Ramadan. Et il est entré 19 jours. Il est entré à Mecca 19 jours après le début de Ramadan. Donc beaucoup de savants disent que la sortie a eu lieu le 13. D'autres disent le 10. Et qui est entré à Mecca et a conquis la Mecque le 19. 19 jours après le début de Ramadan. 19 jours après le début de Ramadan. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il sortait, il laissait un responsable à Al-Madinah. Qu'est-ce qu'il a laissé cette fois-ci? Il a laissé Abu Ruhm, Kulthum ibn Husayn, Al-Rifari. Comme l'a rapporté l'imam Ahmed, il a laissé Abu Ruhm. Ils sont sortis de Al-Madinah en état de jeûne, car nous étions dans le mois de Ramadan. Ils sont sortis, le prophète, alayhi salatu wassalam, jeûnait, et les compagnons pareillement. Mais arrivé à Koudaïd, près de la destination finale, le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit de couper leur jeûne pour se renforcer. Il leur a dit de couper leur jeûne pour se renforcer. Il y a un très proche de Mecca. Ils ont donc avancé, cette grande armée jamais vue du prophète alayhi salatu wassalam. Et la nuit dans laquelle est arrivé le prophète alayhi salatu wassalam, Abu Sufyan, radiallahu anhu, qui n'était pas encore entré en islam, est sorti cette nuit avec Hakim ibn Hizam et un autre. Et lorsqu'ils sont, ils se sont éloignés de leur position, ils ont vu au loin beaucoup de lanternes. Vous voyez, lorsqu'on allume plusieurs feux, au loin, Abu Sufyan et Hakim ibn Hizam ont vu cette image. Alors ils ont débattu. Un disait, c'est telle tribu, l'autre disait, non, c'est Khouza'a. Abu Sufyan disait, non, Khouza'a ne sont pas aussi nombreux que ça. Et Hakim disait, non, c'est plutôt un tel. Et Abu Sufyan disait, non, c'est plutôt un tel. Al-Abbas, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, qui était déjà entré en islam à cette époque, était sur un mulet. Ce mulet appartenait au prophète, alayhi salatu wassalam. Il était blanc. Lui aussi était sorti. Naam. Et lorsqu'il a vu au loin ce que eux-mêmes ont vu, il a dit, ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Quraysh. C'en est fini pour Quraysh. Puis il a vu Abu Sufyan et Hakim ibn Hizam qui étaient en train de débattre à ce sujet. Il s'est donc approché d'eux et leur a dit, sans aucun doute c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Abbas était très motivé quant à la guidée de Abu Sufyan. Al-Abbas était très motivé quant à la guidée de Abu Sufyan. Lorsqu'il a dit cela à Abu Sufyan, Abu Sufyan a pris peur. Et il lui a dit, que faire? Al-Abbas lui a dit, s'il t'attrape, c'en est fini pour toi. S'il t'attrape, c'en est fini pour toi. Abu Sofyan, vous vous souvenez qu'il a participé aux plus grandes batailles contre eux, le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'était un des chefs lors de la, quelle bataille? De la bataille de Uhud, de la bataille de l'Ahzab et autres. Naam. Donc, Al-Abbas lui a dit, monte derrière moi. Naam. Et ils ont avancé. Et Hakim ibn Hizam, pareillement, il est parti. Au final, Abu Sofyan a dit, je n'ai jamais vu autant de monde. Et toutes ces lanternes, ça veut dire qu'ils sont vraiment une grande armée. Et cela, c'est la preuve qu'ils n'ont pas su la sortie du prophète, alayhi salatu wassalam, tout comme ils n'ont pas su l'arrivée du prophète, alayhi salatu wassalam. Naam. Donc, Al-Abbas a fait da'wa à Abu Sofyan. Et il lui a dit, et Abu Hanbala, c'est la cunia d'Abu Sofyan. Abu Sofyan a dit, Mada, il a appelé Al-Abbas et il lui a fait da'wa, il lui a parlé et il l'a informé que si le prophète alayhi salatu wassalam l'attrape, c'en est fini pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné aux compagnons de rompre le jeûne. Certains n'ont pas rompu le jeûne. Après la race, le prophète sallallahu alayhi a demandé à ce qu'on lui apporte un récipient, il a bu pour être pris en exemple. Les compagnons ont donc rompu le jeûne, mais certains n'ont pas rompu le jeûne. Alors devant la fatigue et autres, il y a un homme qui est tombé. On a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que certains sont encore en état de jeûne, il a dit « Oulaïka humul usar ». Voici les pécheurs, les désobéissants. Pourquoi? Car ils ont jeûné alors qu'ils ne supportent pas le jeûne. Et en voyage, celui qui jeûne, s'il supporte, il a le droit de jeûner. Et s'il veut, il a le droit de rompre. Mais si ça lui cause une difficulté insupportable, elle est très sévère et très difficile, il doit rompre le jeûne. Parce que sinon, il n'accepte pas la permission et la facilité d'Allah, et ça c'est blâmable. Et si ça arrive à un niveau au-dessus, ça devient même haram. Ça devient même haram. Comme l'a expliqué Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans plusieurs cours de fiqh, de ahkam al-siyam. Al-Abbas, comme je le disais, était très motivé quant à la guidée de Abu Sufyan. Il l'a pris en groupe derrière lui et a avancé vers le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc il a rejoint la position des musulmans. Et ça, c'est très périlleux pour Abu Sufyan. Parce que si les musulmans l'attrapent, sans aucun doute, ils vont lui faire ce qu'il mérite. Du moins ce qu'il méritait à cette période. Il passait donc près des positions des musulmans. Et les gens disaient tous, qui sont ces gens? Et ils reconnaissaient la monture du prophète, alayhi salatu wassalam. Puis ils reconnaissaient son oncle, Elisa al-Abbas. Mais ils ne distinguaient pas qui était derrière. Ils ne distinguaient pas qui était derrière lui. C'est alors que Omar ibn al-Khattab a vu l'Abbas, il lui a dit, qui est avec toi? Et il a reconnu Abu Sufyan. Dès qu'il l'a reconnu, il l'a attrapé. Il a essayé de l'attraper. Et Al-Abbas a accéléré. Et Omar a accéléré. Quel était le but de Omar? L'attraper pour en finir avec lui. Quel était le but de Al-Abbas? Le ramener chez le prophète, alayhi salatu wassalam, qui était Ar-Raouf Ar-Rahim. Qui était compatissant, qui était miséricordieux. Donc pour lui, s'il atteignait la tente du prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Sufyan était sauvé. Et Omar pensait aussi peut-être cela. Donc il voulait l'attraper avant. Al-Abbas a accéléré. Et il a réussi à entrer. Et Omar directement il est rentré. Le prophète Al-Abbas a dit à Rasulallah, voici Abu Sufyan. Écoute de lui, par lui, accepte-le. Omar ibn Khattab est venu, il a dit, comme, yani, taqriban, alhamdulillah. Alhamdulillah à celui qui nous a réunis avec Abu Sufyan. Il n'y a pas de pacte entre nous. Il n'y a pas le Hudaybiyah. Et il est entre nos mains. Yani, khalas, là je peux lui faire ce que je veux lui faire. Rasulallah m'a dit, da'hu ya Omar. Attends, oh, Omar, laisse-le. Puis, Al-Abbas a dit, ya Rasulallah, écoute-le. Et Omar disait, ya Rasulallah, laisse-moi. Al-Abbas insistait, Omar insistait. Alors, Al-Abbas s'est énervé contre Omar. Et lui a dit, oh Omar, s'il avait fait partie de Bani Adi, de ta tribu, tu n'aurais pas dit ça. Alors ça a vexé Omar. Naam. Alors ça a vexé Omar ibn al-Khattab radiallahu an, qui disait l'ennemi d'Allah, Abu Sufyan, et entre nos mains l'ennemi d'Allah. Et l'Abbas voulait s'aguider, donc il s'est énervé contre Omar, qui voulait le tuer. Et il lui a dit, si, ماذا, il a dit, أجرته. Naam, je lui ai accordé l'asile. Yani, laisse-le, je lui ai accordé l'asile. Et quand un musulman accorde l'asile, un harbi, les autres doivent respecter cet asile et on n'a pas le droit de le toucher. On n'a pas le droit de le toucher. Et l'Abbas lui avait accordé donc l'asile. Et Omar insistait. Au final, il lui a dit, si ça avait été un homme de Banu Adi, tu n'aurais pas dit cela. Mais il fait partie de Abd Manaf, c'est pour ça que tu parles ainsi. Alors Omar ibn Khattab lui a dit, Ya Abbas, mahlan, calme-toi doucement, ô Abbas. Quels sont ses propos? Ne dis pas cela. Et écoutez la parole qu'il a dit, Allahu Akbar. Il a dit, فَوَاللَّهِ لَا إِسْلَامُكَ أَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ إِسْلَامِ الْخَطَّابْ لَوْ أَسْلَمَا لِمَعْرِفَةِ بِحُبِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِإِسْلَامِ Allahu Akbar. Il lui a dit, doucement, Al-Abbas, ne dis pas cela. Je jure par Allah que ton islam à toi m'a plus été aimé. J'ai plus aimé ton islam quand tu t'es converti que c'est Al-Khattab, le père de Omar, s'était converti. Pourquoi? Parce que j'ai su que le prophète sallam aimait ton islam. Du fait que le prophète alayhi salatu wassalam était motivé pour ton islam, ça m'a plus réjoui, moi, ton islam à toi, que le propre islam de mon père s'il s'était converti. Allahu Akbar. Tellement ils aimaient le prophète alayhi salatu wassalam, ils faisaient passer ses proches avant les leurs. Et ceux qu'ils aimaient avant ceux qu'ils ont aimé eux-mêmes. Radiallahu anhum. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'Abbas, repart avec Abu Sufyan cette nuit et revient demain avec lui. Il est parti et il est revenu avec lui. Puis, il l'a amené devant le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Waihaki Abu Sufyan, aslim, malheur à toi Abu Sufyan, convertis-toi à l'islam. » Alors, Abu Sufyan a dit, Wallahi ya Rasulallah, ou plutôt il a dit Wallahi, ma arhamak, wa ma ahlamak. Il a dit Wallah, ô combien tu es miséricordieux, ô Muhammad, et ô combien tu es compatissant. Vous vous souvenez de tout ce qu'on a étudié, subhanallah, de la place d'Abu Sufyan et ce qu'il a fait, et la cause qu'il a été, et la nuisance qu'ils ont reçue de sa part, radiallahu anhu. Malgré cela, il l'accepte, il l'écoute et il le défend même contre eux, les meilleurs des compagnons comme Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Alors Abu Sufyan s'est étonné de son comportement qu'il lui connaissait déjà. Et il a dit, quant à... Yani, il lui a dit, d'abord on lui a dit, le temps n'est-il pas venu que tu attestes qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah. Alors Abu Sufyan lui a dit, bi'abi anta wa ummi. Yani, je donnerai ma mère et mon père en rançon pour toi. Ma ahlamak, ô combien tu as de l'indulgence. Wa ma akramak, ô combien tu es noble et tu es digne, tu es de bon caractère. Wa ma awsalak, wa ma a'zama afwak. Naam, ô combien tu lis les liens de parenté probablement, et ô combien tu as une grande miséricorde. Puis il lui a dit, j'ai très certainement su que si ces divinités-là était digne d'être adorée, elle m'aurait été utile et profitable. Allez, regarde ma situation, chef de Quraysh. Après tout cela, ces divinités n'ont rien fait pour moi. Nous voici devant toi maintenant affaiblis. C'est ça le sens. Donc elles ne servent à rien, ces fausses divinités. Fa ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste donc le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Allahu Akbar. Puis il lui a dit, Waihak ya Aba Sufyan. Atashhadu anni rasulullah. Il lui a dit, quant à ça, il lui a dit, malheur à toi, Abu Sufyan. N'attestes-tu donc pas que je suis le messager d'Allah? Il lui a dit, quant à ça, j'ai encore un peu de doute sur ça. J'ai encore quelque chose dans mon âme contre ça. Alors, Al-Abbas l'a secoué. Et il lui a dit, sauve ta personne. Prononce le shahada, prononce le témoignage complètement. Et le prophète sallam l'a encouragé et il lui a dit, bi abi anta wa ummi ma ahlamak, وما أكرمك وما أوصلك وما أعظم عفوك. نعم، فكأنما في نفسي شيء. Il dit, j'ai encore quelque chose dans le nefs face à cela. Al-Abbas lui a dit, Waihak, et Abba Sofiane, Aslim, malheur à toi, Abu Sofiane, convertis-toi. Puis, il l'a secoué un peu, et il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu annaka rasulullah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah, et j'atteste que tu es le messager d'Allah. نعم فأسلم أبو سفيان رضي الله عنه بحمد الله تبارك وتعالى وهدايته وتوفيقه. C'est pour cela que subhanallah, lorsque tu étudies As-Sira, et lorsque tu conseilles une personne d'étudier As-Sira, il y a un conseil à donner. C'est que toute personne contre le prophète عليه الصلاة والسلام ne te presse pas dans tes pensées à son égard et dans tes paroles, car il se peut que plus tard Allah le guide à l'islam. Et comme on va voir bi'ithnillah, parmi les plus grands ennemis du prophète عليه الصلاة والسلام, regardez combien Allah était bon envers eux. Et celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah al-hidayah. Une seconde histoire, ça c'est l'histoire donc de l'islam de Abi Sufyan, radiallahu an. Maintenant l'histoire d'un autre qui s'appelle Abu Sufyan. Qui est ce Abu Sufyan? Il y a un deuxième Abu Sufyan. Le premier Abu Sufyan dont nous allons parler, il s'appelle comment? Sakhr ibn Harb. Comment s'appelle ce Abu Sufyan là? C'est Abu Sufyan ibn al-Harith. Qui est al-Harith? Qui est al-Harith? Ammu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-Harith, c'est un des oncles du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est Abu Sufyan. Noté Al-Harith ibn Abd al-Muttalib. Naam. Comme on le sait tous, c'est le grand-père du prophète alayhi salatu wassalam. Al-Harith c'est son fils. Donc c'est le frère de Abdullah, donc l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est également son frère de lait, Akhuhu min al-Rada'a. Ils ont été allaités tous deux par la même femme. Abu Sufyan al-Harith ibn, ou plutôt Abu Sufyan, Naam al-Harith ibn Abd al-Muttalib, est arrivé avec un autre homme, qui est noté Abdullah ibn Abi Umayya. Ces deux hommes faisaient partie des plus grands ennemis du prophète, alayhi salatu wassalam. Al-Harith ibn Abd al-Muttalib et Abdullah ibn Abi Umayya font partie de ceux qui ont le plus nui au prophète alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Abi Umayya ibn al-Mughira. Dans le recueil de l'Hakim, dans son Mustadrak, Abdullah ibn Abbas nous raconte que ces deux hommes-là, Al-Harith et Abdullah, ont rencontré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils ont, ça c'est avant qu'il arrive à Mecca. Alors ils ont essayé d'entrer auprès de lui. Naam. Mais si le prophète sallam les attrapait, ou si les compagnons les attrapaient, c'en était fini pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Abdullah ibn Abi Umayya ibn Mughira est parti voir Ummu Salama pour qu'elle intercède en sa faveur auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Premièrement, qui est Ummu Salama pour le prophète alayhi salatu wassalam? Ça on l'a étudié, on l'a vu. Ben Amma, c'est son épouse radiallahu anha, une des femmes les plus pieuses et les plus nobles. D'accord. Et qui est Abdullah ibn Abi Umayya pour Ummu Salama? Réfléchissez à cela et on continue. Elle est venue voir, donc on va dire la réponse exactement, c'est son frère. Naam, c'est son frère, ou bien Mada. Naam, c'est son demi-frère, ou son frère, yani Akhu Shaqiq, ou son frère de même père. C'est son frère, yani de même père et même mère, ou son frère de même père seulement. Ala kulli hal, elle est venue le voir, elle lui a dit, « Ya Rasulallah, ô message d'Allah, Ibn Ammik, wa Ibn Ammatik. » Il lui a dit, « Il y a le fils de ton oncle et le fils de ta tante. » C'est qui le fils de son oncle? Al-Harith. Qui est le fils de sa tante? Abdullah. Naam, comme on va le voir, ils ont des liens de parenté également. Donc, elle ista'tafathu. Elle l'a adouci. Elle lui a dit, c'est ton cousin. Ce sont tes deux cousins. Et ils veulent entrer auprès de toi. Écoute-les, ya Rasulallah. Wa sallam disait, la hajat. La hajat ali bihima. Je n'ai aucun besoin d'eux. Ils faisaient des poèmes contre le prophète. Ils attaquaient le prophète, alayhi sallatou wassalam. Ils participaient dans tout mal contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah était un poète qui l'attaquait, qui le critiquait, le dénigrait. Naam, il a fait beaucoup de tort au prophète, alayhi sallatou wassalam. Donc, il ne voulait pas les voir. Il ne voulait pas l'accueillir. Donc, le prophète, alayhi sallatou wassalam, les a refusés. Mais, Umm Salama a insisté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Umayya était un poète qui critiquait le prophète alayhi sallatou wa sallam et faisait des satires à son encontre. C'est son beau-frère et c'est le fils de sa tante. C'est son beau-frère, l'époux de Umm Salama. Et c'est le fils de sa tante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a donc refusés. Quant à Abu Sufyan al-Harith, il avait son enfant avec lui. Il a dit, il refuse de m'accueillir. Alors je vais partir sur la terre d'Allah. Jusqu'à ce que la soif me tape ou que je meure de faim avec mon enfant. Vous avez entendu? Ces paroles-là sont parvenues au prophète alayhi salatu wassalam. Il a été touché par ces mots. Il a dit, faites-le entrer. Il a dit, faites-le entrer. Au final, il l'a accepté et il s'est converti à l'islam. Il a accepté le deuxième, il s'est également converti à l'islam. Par la suite, Abdullah a fait des vers pour faire les éloges du prophète alayhi salatu wassalam. Et tous deux, leur islam a été sincère, a été profond. Et ils ont secouru l'islam par la suite. Non. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'entrer à Mecca, a établi l'ordre d'entrée et a placé chacun à sa place et il a mis plusieurs personnes aux têtes de chaque bataille. Il y avait Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu, Sayfun min Suyufillah, à la tête d'un groupe. Il y avait Az-Zubayr ibn Awwam radiallahu anhu, à la tête d'un autre groupe. Il y avait lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la tête d'un groupe, et il a ordonné à chacun d'entrer vers, yani par un endroit. À gauche, à droite, il les a placés. Et il a mis aussi Abu Ubaïda, radiallahu anhu. Ils ont donc avancé. Il a donné un étendard à chacun. Le prophète alayhi salatu wassalam est entré à Mecca, il n'était pas en état d'ihram. Il portait sur sa tête, dans un hadith, al-mirfar. Qu'est-ce que le mirfar? C'est le casque qu'on porte dans la guerre pour se protéger des coups. Et dans un autre hadith, on nous dit al-imama. Il portait le turban et il était noir. Naam. Donc, il avait ma'adha al-mirfar. Et probablement dessus l'imam. Ou bien à un moment il a eu un, et à un moment il a eu l'autre. Wallahu a'lam. À la kulli hal, il est entré en récitant Inna fatahna laka fatham mubina. Il a récité de Sourate Al-Fath, sallallahu alayhi wa sallam. Il est entré dans quel état? Est-ce qu'il est entré en terrassant les adversaires? Est-ce qu'il est entré rempli d'orgueil comme le font certains dirigeants? Non. Il est entré humilié sur la terre sacrée d'Allah. Il est entré sur sa monture, portant son casque, la tête rabaissée, humilié devant son Seigneur, qui lui a donné la Mecque après qu'il en fut viré, qui lui a donné la Mecque, la terre et la maison qui a été élevée par son père, Ibrahim alayhi salam. Il est donc entré, humilié devant Allah, reconnaissant devant son grand bienfait, subhanahu wa ta'ala. Il est resté Sourate Al-Fath, en psalmodiant parfaitement dans sa lecture. Il était sur sa monture. Quant à Khalid ibn al-Walid, il est entré par le bas. Et en chemin, il a rencontré quelques ennemis. Et il y a eu une petite bataille entre eux. Na'am, il y a eu une petite bataille entre eux. Et deux ou trois parmi les musulmans sont décédés. Deux ou trois parmi les musulmans sont décédés. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Al-Abbas de maintenir Abu Sufyan à un endroit stratégique pour qu'il voie les musulmans passer, délégation après délégation. Ainsi, il allait voir quoi? La puissance des musulmans. Il allait voir le nombre des musulmans. Et il allait, pencher encore plus. Alors, il l'a maintenu près d'une montagne et il voyait les délégations passer devant lui. Et à chaque fois qu'une délégation passait, il disait, c'est la délégation de qui? On lui disait, de telle tribu. Il disait, je n'ai que faire avec cette tribu. Cette tribu, je n'ai que faire avec cette tribu. C'est-à-dire, ça ne m'intéresse pas. Comme s'il attendait une certaine tribu. Puis il a vu un groupe immense, énorme, avec à leur tête Abu Ubaïda. Ou bien Saad. Non, Abu Ubaïda. Et il a dit, qui est cette tribu? Non, c'était plutôt Saad. Et il a dit, qui est cette tribu? Car Saad ibn Ubaïda, c'est un des chefs de l'Ansar. Il a dit, qui est cette tribu? On lui a dit l'Ansar. On lui a dit l'Ansar. Quand Saad a vu Abu Sufyan, forcément, quels souvenirs vont revenir? Naam, donc ils ont échangé quelques paroles. Et il lui a dit, Abu Sufyan, aujourd'hui, il va se passer ceci et cela. Aujourd'hui, il va se passer ceci et cela. Et on va prendre la Mecque. Et on va faire, et on va faire. Abu Sufyan a été touché. Puis il a dit au prophète, sallam, n'as-tu pas entendu ce qu'a dit Saad? Et vous allez prendre la Mecque, et vous allez faire, et vous allez faire. Le prophète sallam a dit, personne ne va rendre licite la Mecque. Au contraire, on va immensifier la Kaaba. On va vêtir la Kaaba. Naam, il a rassuré Abu Sufyan radiallahu, Naam, tout nouveau, converti à l'islam. À la kulli hal, c'est un jour où la Kaaba et où Mecca étaient immensifiés. Al-Abbas a dit à Rasulallah, Abu Sufyan est un homme qui aime la reconnaissance, la notoriété. C'est un chef de Quraysh. Et les Arabes rivalisaient de... Ils concurrençaient dans la place et dans la mention des noms et du nom de famille et de la tribu. Il lui a dit, Rajoul yuhibbul fakhr. C'est un homme qui aime la renommée, qui aime être mis en valeur. Alors donne-lui une chose en particulier. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Man dakhala bayta Abi Sufyan fahuwa amin. Celui qui rentre chez Abu Sufyan, il sera en sécurité. Celui qui rentre chez Abu Sufyan, il sera en sécurité. Puis il y a eu le groupe des Muhajirines qui est arrivé. Les habitants de la Mecque qui avaient été virés de la Mecque. Et à leur tête, il y avait qui? Az-Zubayr ibn al-Awwam radiallahu anhu. Et ils se sont avancés et ils sont entrés donc à Mecca. Le prophète alayhi salatu wassalam a donné l'aman. Il a mis en sécurité et il a interdit de combattre toute personne qui rentrera dans ces conditions-là. Premièrement, « Man dakhala bayta Abi Sufyan fahuwa am. » Dans un autre texte, c'est Abu Sufyan qui a demandé. Un point tel que les gens ont couru chez Abu Sufyan. Puis ils ont disputé Abu Sufyan et lui ont dit « Qu'est-ce que tu as fait Abu Sufyan? C'est quoi cette maison que tu as, elle est toute petite? Ça ne suffit pas pour tout Quraysh. » Il ne fallait pas demander ça comme ça. Le prophète sallam a ajouté « Man dakhala al-haram fahuwa am. » Celui qui rentre au haram, Naam, où il y a le Kaaba, il sera en sécurité. Celui qui entre chez Hakim ibn Hizam, il sera en sécurité. Man kaffa yadah, celui qui retient sa main, qui ne porte pas les armes contre nous, il sera en sécurité. Il a cité certaines choses. Donc il a donné l'aman. Mais il a dit, sauf un tel, un tel, un tel, un tel, une telle, une telle, où que vous les trouvez, naam, attrapez-les et faites-leur kaita wa kait. Pourquoi? Parce que ces derniers avaient eu les pires des comportements contre l'islam et les musulmans, et ils avaient assassiné pour certains d'eux, certains parmi les musulmans. Parmi Ikrimah ibn Abi Jahl, par exemple. Parmi Ikrimah ibn Abi Jahl, par exemple, radiallahu anhu, on voit que même lui, subhanallah, Allah a voulu pour lui le bien par la suite. Lorsque Quraysh ont vu cette armée, ils ont eu peur. Et ils ont pensé qu'il n'allait plus y avoir de Quraysh après ce jour-là. À un point tel qu'Abu Sufyan a dit, il n'y aura plus de Quraysh après ce jour. Ya Rasulallah, s'il les attaque, il n'y aura plus de Quraysh après ce jour. Ils sont donc entrés. Et comme nous avons dit, deux personnes sont décédées. Parmi les musulmans, certains ont dit trois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré, Abu Ubaïda de son côté est entré, Khalid de son côté est entré. Et ils se sont tous retrouvés et rejoints à un même endroit. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, passez par là, vous passez par là. Et toute personne qui viendra vous combattre, combattez-le. Toute personne qui viendra vous combattre, combattez-le. Mais très peu sont décédés ce jour-là. Car Quraysh se sont soumis. Car Quraysh se sont soumis. Pour la plupart, ils n'ont pas combattu. Et beaucoup ont jeté les armes. Si ce n'est une minorité. Ainsi, ils sont entrés à la Mecque. Et ils ont pris possession de la Mecque en conquérant. En conquérant, ils ont donc conquis la Mecque. Mais Quraysh n'a pas combattu pour la plupart d'entre eux. Et Allah Azza wa Jal a accordé la victoire aux croyants sur les associateurs. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré au haram, il a vu qu'il y avait beaucoup d'idoles. Il y avait 360 idoles qui étaient adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal, wal'iyadu billah, tout autour de la Kaaba. 360 fausses divinités adorées par les serviteurs d'Allah, wal'iyadu billah. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait le tawaf autour de la Kaaba. Puis, il a prié deux unités de prière derrière le maqam Ibrahim. Puis, il s'est avancé. Les gens se sont réunis. On a appelé, les gens se sont réunis. Et il a dit, « Ya ma'ashara Quraysh, ô peuple de Quraysh, ma tazunnuna anni fa'ilun bikum. Que pensez-vous que je vais faire de vous maintenant ?» Année après toutes ces années, après ces combats, après ce que vous m'avez fait, il leur a dit cela à trois reprises. Quelle était leur réponse? Nazunnu annaka akhun wa ibn ammin wa akhun karim wa ibn akhin karim. Ils ont répondu, ce qu'on pense c'est que tu es un frère, mais tu es de Quraysh et tu es un cousin à nous. Naam. Et tu as un cousin à nous. Tous les gens de Quraysh ont des liens de parenté. Et que tu es un noble, de bon caractère, et ainsi de suite. Puis il leur a dit, Aqulu lakum kama qala akhi Yusuf. Je vais vous dire comme a dit Yusuf à ses frères. La tathrib alaykum al-yawm. Yaghfirullahu lakum. Nul reproche pour vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne. Qu'Allah vous pardonne. Wa huwa arhamur rahimin, et c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. Fabay'uhu 'ala al-islam, Ils sont donc pour beaucoup entrés en islam. Certaines parties ou dans certains textes, on trouve même qu'à la fin il a dit "Dhabu antum at-tulaqa". Mais cette version ou bien certaines parties ne sont pas authentiques. Certaines parties de cette histoire ne sont pas authentiques. Naam. Le prophète alayhi salat wa salam, il lui est parvenu une parole des Ansar. Quand ils ont vu la miséricorde et la pitié du prophète alayhi salat wa salam pour son peuple, et qu'il ne les a pas combattus, et qu'il ne leur a pas fait comme il a fait à Banu Nadir, et ainsi de suite, ils ont dit certaines paroles. Le prophète salam, ça lui est parvenu, il les a réunis. Il les a réunis. Quelles étaient ces paroles? Les Ansar radiallahu anhum ont dit, فأخذته الرأفة بقومه ورغبة بقرابته. Ils ont dit, voyez-vous cet homme, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, il a été pris du plus haut point de la miséricorde pour son peuple et de la grande pitié pour son peuple. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? En réalité, ils ont eu peur que le prophète alayhi salatu wassalam se sépare d'eux et qu'il reste à Mecca. Ils l'aimaient tellement qu'ils ont redouté cela au plus haut point. C'est pour ça qu'ils ont prononcé ces paroles. Allah Azza wa Jal a révélé au prophète alayhi salatu wassalam que les Ansar avaient parlé. Alors il les a réunis et a dit, Ya ma'ashar al-Ansar, ô vous le peuple des Ansar, alestum taquluna kaza wa kaza, n'avez-vous pas dit ceci et cela? Ils ont dit certes au messager d'Allah. Al-Ansar, Al-Muhadirou, les Sahaba, ils ne mentaient jamais. Même dans les situations les plus difficiles et les plus compromettantes, ils disaient la vérité. Alors ils ont dit oui au messager d'Allah. Il leur a répété leurs paroles. Ils ont reconnu, ils ont dit oui au messager d'Allah. Il leur a dit, Faman ana idhan, qui suis-je donc? Et il leur a dit, Kalla wallah, je jure par Allah que ça n'adviendra pas. Puis il leur a dit, Inni la Rasulullah haqqan, je suis certes et réellement, véritablement le messager d'Allah. Wa innal mahya la mahyakum wa innal mamata la mamatukum. Il leur a dit, certes, la vie c'est la vôtre et la mort c'est la vôtre. C'est-à-dire, j'ai vécu auprès de vous et je mourrai auprès de vous. Subhanallah. Et ça, c'est un des signes, min dala'il al-nubuwa. C'est un des signes de la prophétie. Parce que le prophète sallam a vécu à Al-Madina et il est décédé à Al-Madina. Et ça, il ne pouvait pas le savoir de lui-même. Mais c'est Allah Azza wa Jal qui l'en informa. Puis ils ont dit, Ya Nabi Allah, bi abi anta wa ummi. Au message d'Allah, on donnerait nos parents en rançon pour toi. Nous n'avons dit cela que par peur que tu nous abandonnes. Nous n'avons dit cela que par peur que tu nous abandonnes. Puis il a dit, Antum sadiqoun. Il leur a dit, Antum sadiqoun. Vous êtes certes véridiques. Indallah, auprès d'Allah. Inda Rasulillah, auprès de son messager. Alors les Ansar, lorsqu'ils ont entendu cela, ils se sont mis à pleurer. Ils se sont mis à pleurer. Radiallahu. Anhum, car ils avaient peur de se séparer de leur bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari, on trouve également que al-Ansar ont dit, Inna hadha lahu al-ajab. Cette chose est vraiment étonnante. Nos épées coule encore de sang. Il y a encore des gouttes de sang qui tombent de nos épées. Du sang de Quraysh. Et notre butin va leur être rendu. Et nous, on est venus en tant que conquérants sur nos ennemis. Et voici qu'on, il y a un que ça s'arrête ainsi et qu'on leur rend le butin. Cette parole est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les a réunis. Et leur a dit, que m'est-il parvenu de votre part? Ils ont reconnu, ils ont dit leurs paroles. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a dit, « Ala tarzawm أيرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وأن ترجعوا أنتم برسول الله. Le prophète عليه الصلاة والسلام leur a dit: N'acceptez-vous pas, n'agréez-vous pas que les gens reviennent, retournent chez eux avec le butin et que vous vous retourniez à Médine ou chez vous avec le messager d'Allah? Avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si les Ansar empruntaient un chemin, moi j'emprunterais le même chemin que les Ansar. Il a donc montré la place des Ansar et son attachement aux Ansar. Certains savants disent que cela n'a pas eu lieu à l'ouverture de la Mecque, mais plutôt à la période de l'ouverture de la Mecque plus tard. Car à l'ouverture de la Mecque, il n'y a pas eu de Ghanaim. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait donc toutes ces divinités, ces fausses divinités, ces statues, ces idoles, longuement adorées par son peuple. Et il ne passait pas près d'une de ces divinités sans que de ce qu'il avait dans sa main, il les pointait et il les tapait. Naam. Il disait: Ja al-haq wa zahaq al-batil. Inna al-batil kana zahuqa. Dit: la vérité est venue et le faux disparaît. Et il tapait ses idoles. Et comme c'est venu dans le hadith d'Abdullah ibn Saoud dans Bukhari et Muslim, il y en avait 360. Il y en avait 360. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc accordé l'asile et la sécurité aux gens de Quraysh, sauf à 4 hommes et 2 femmes. Ikrima ibn Abi Jahl, Abdullah ibn Khattal, Miqyas ibn Subaba, Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Quant à Ibn Khattal, il s'est sauvé auprès de la Kaaba et s'est accroché au tissu de la Kaaba. Ils ont informé le prophète alayhi salatu wassalam de cela. Il a dit: faites ce que je vous ordonne. Donc lui, il est mort ainsi. Miqyas, il s'est sauvé, il a été attrapé au marché de Mecca. Il est décédé là-bas. Quant à Ikrima ibn Abi Jahl, il s'est sauvé, il s'est caché. Et Abdullah ibn Sa'd, pareillement. Ikrima ibn Abi Jahl, Allahu Akbar, il s'est sauvé vers Jeddah. Et il a emprunté la mer pour se sauver. Une fois en mer sur le bateau, il y a eu une tempête. Il a eu peur de mourir. Et les gens qui étaient sur le bateau ont dit, comme à l'habitude des associateurs de Quraysh: rien ne vous sauvera si ce n'est l'ikhlas. Rien ne vous sauvera si ce n'est l'ikhlas. Invoquez donc Allah sincèrement. Ikrima a dit: si c'est Allah qui nous sauve lors de la difficulté, c'est donc le seul qui doit être adoré lors de l'aisance. Puis il a fait le serment que si Allah le sauvait, il irait voir Mohammed et il lui prêterait allégeance, il entrerait en islam. Et il le trouverait indulgent et miséricordieux. Allah le sauva. Il a donc rempli ce qu'il avait promis. Il est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam et il s'est converti à l'islam et hasuna wa hasuna islamu radiallahu anhu. Quant au deuxième, il est revenu, ou bien Safwan ibn Umayya, ou bien le deuxième. Le prophète l'a laissé durant un certain temps. Et au final, il est revenu et lui-même s'est converti à l'islam. Lui-même s'est converti à l'islam. Non. Et concernant Abdullah ibn Khattal, se sont lancés à leur poursuite Saïd ibn Zayd et Ammar ibn Yasir. Saïd était plus jeune que Ammar, l'a devancé, et c'est lui qui a mis fin au jour de Ibn Khattab. Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh s'est caché chez Uthman ibn Affan. Le quatrième homme, il s'est caché chez Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Le lien qu'ils avaient, c'est que c'était son frère de Akhou min al-Rala'a, son frère de lait. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a appelé les gens, a lui prêté allégeance à la Kaaba, Uthman l'a sorti. Et il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam de l'accepter. Mais le prophète sallam tournait sa tête. Il ne voulait pas le voir. C'est un grand ennemi de l'islam et des musulmans. Puis Uthman a insisté une deuxième fois, « Ya Rasulallah, baye !» Au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Baye Abdallah, mina Sa'id !» Une deuxième fois, tournait la tête. Une troisième fois, puis il a accepté de lui. Quand il est parti, il a dit aux compagnons, « N'a-t-il pas parmi vous un homme droit ?» Yannick qui a compris ce que je voulais de vous quand j'ai refusé à trois reprises. Ils lui ont dit, ah, Rasulallah, on n'a pas compris, il fallait nous faire un signe, ne serait-ce qu'un signe de l'œil. Le prophète sallam voulait qu'un des sahaba, avant qu'il entre, se charge de lui. Ils lui ont dit, ah, Rasulallah, on n'a pas compris, il fallait nous faire un signe de l'œil. Il leur a dit, quoi, un signe de l'œil? Il n'appartient pas à un prophète d'avoir ce comportement. Les prophètes n'ont pas ce comportement, ils ne font pas des gestes comme ça. Naam, c'est ce qu'il y avait en l'intérieur, à l'intérieur du prophète alayhi salatu wassalam. Quoi qu'il en soit, comme Uthman a intercédé à trois reprises, le prophète alayhi salatu wassalam l'a accepté et les gens se sont succédés pour lui prêter allégeance. Il y avait des tribus arabes aux alentours qui ont dit, on va voir ce qui se passe entre Quraysh et cet homme. S'il gagne, c'est que c'est un prophète, on entrera dans l'islam. Et s'il perd, on restera sur notre position. Comme ils ont remporté la Mecque, ils ont conquis la Mecque, ces derniers sont venus, ils sont entrés en masse en islam. Dans le recueil de l'imam Bukhari, on trouve l'histoire de Ummuhani. Ummuhani, radiallahu anha, c'est la sœur de qui? Ummuhani, c'est la sœur de Ali ibn Abi Talib. C'est la sœur de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Et elle a accordé l'asile à deux associateurs parmi Quraysh. Ali ibn Abi Talib est venu et il a vu un des deux, il a voulu le tuer. Et Ummuhani lui a dit, commence par moi. Elle était croyante. Elle lui a dit, commence par moi. Puis elle est partie se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, Rasulallah, j'ai accordé l'asile à un tel et un tel, et ton cousin prétend qu'il va leur faire ça et ça. Le prophète lui a dit, Qad ajarna, on a accordé l'asile, ya Ummahani, ala man ajarti, à ceux auxquels tu as accordé l'asile. C'était qui? C'était le Harith ibn Hisham et Abdullah ibn Abi Rabi'a. Donc Ali a voulu en découdre. Ummuhani leur a accordé l'asile, le prophète leur a accordé par la suite. Car lorsqu'un croyant, comme on a expliqué, accorde cela, les croyants se doivent de respecter. Par la suite, Al-Harith et Abdullah se sont convertis à l'islam. Bihamdillahi Azza wa Jal, se sont convertis à l'islam. On finira, Inch'Allah Ta'ala, l'histoire de la conquête de Mecca la semaine prochaine, بإذن الله عز وجل. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله العلي الكبير وهو الحي القيوم أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع وبالعمل الصالح وأن يتوفنا مسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.